J'ai peur qu'elle emporte. J'ai peur de la mer la nuit, qu'elle avale. J'ai peur de la nuit. J'ai peur de la mer la nuit. J'ai peur de la mer. Le noir, immense, reflète les étincelles qui dansent. La nuit, la mer est encore plus profonde, plus effrayante. Le noir, immense, le noir immense, et les étincelles qui dansent. Les amis, c'est l'heure de tomber le manteau. C'est l'heure de tout laisser tomber. C'est l'heure d'y aller, de conjurer le sort, de voir la mer belle même la nuit et de la faire rugir de l'intérieur, de danser aussi. Les amis, éclatons d'être nus dans la mer, enfin. Quoi de mieux qu'être nus dans la mer? J'aurais toujours peur de la nuit. J'aurais toujours peur de la mer. Mais je ne suis pas morte de l'avoir fait. Même si j'y ai cru, même si mon cœur y a cru, les orteils entrant dans l'eau, que c'était la fin. Cap. Et même pas morte. Cap. Et réveillée. Je ne passerai plus ma nuit à regarder la mer danser depuis la plage. C'est certain que moi aussi j'en ai envie. Danser. Allez. Avec vous, le défi de s'envelopper dans l'immense, les profondeurs, et d'en sortir réveillé. Avec vous tout va bien. Et seul aussi, et avec vous, je me jetterai à l'eau. Encore. Encore. Et je célébrerai les amis en baignant mon corps, nu, à minuit.